Musical ID. Ah, j'ai la rage, j'ai le morning. J'ai eu des phases et la petite. Peu importe ce qui s'est passé, jamais flanché devant la monnaie. Ah, mais oui, de toute façon, je m'en fiche. Y'a pas de secret, je sais. Je médite et là, je me dis, tout seul, prêt. 1 000 euros j'ai dans le viseur. Et sans rien faire, je fous la même merde. 1 000 euros j'ai dans le viseur. Et sans rien faire, je fous la même merde. C'est fire, fire, fire. J'suis pompé là, bah j'vois des laves, j'vois des laves. C'est fire, fire, flambé. J'suis pompé là, bah j'vois des laves, j'vois des laves. J'me suis vénère, tout d'un coup j'ai tout lâché. Quand j'lui dirais que bah non, faut pas s'acheter. J'me suis vénère, j'aurais dit la vérité. Faut viser loin, vous êtes pas dans mes projets. Sans plus la nuit, j'pense au lendemain. Sur qui compter, pas sur toi, tu le sais. J'connais la route, allez, ciao. Trop de vis, prendre par où, tu sais. Faut pas mentir. Si je te fais pas un dessin, pourquoi mentir, je te ferai pas un dessin. Tu connais la suite, si je te fais pas 1 000 euros j'ai dans le viseur. Et sans rien faire, je fous la même merde. 1 000 euros j'ai dans le viseur. Et sans rien faire, je fous la même merde. C'est fire, fire, fire. J'suis pompé là, je vois des laves, je vois des laves. C'est fire, fire, flambé. J'suis pompé là, je vois des laves, je vois des laves. J'me suis vénère, tout d'un coup j'ai tout lâché. Quand j'lui dirais que bah non, faut pas s'acheter. J'me suis vénère, j'aurais dit la vérité. Faut viser loin, vous êtes pas dans mes projets. J'veux des love et des euros, love, euros. Billets, billets, mots, billets, billets, mots. J'veux des love et des euros, des love, euros. Billets, billets, mots, billets, billets, mots. Musical ID. MLR Beats. C'est fire, fire, fire. J'suis pompé là, j'veux des love, j'veux des love. C'est fire.